voyageur, où vas-tu, marchant, dans l'or vibrant de la poussière? Je m'en vais au soleil couchant pour m'endormir dans la lumière. Car j'ai vécu, n'ayant qu'un Dieu, l'astre qui luit et qui féconde. Et c'est dans son linceul de feu que je veux m'en aller du monde. Voyageur, presse donc le pas, l'astre vers l'horizon. M'importe, j'irai plus bas, l'attendre au pied de la colline, et lui montrant mon cœur ouvert, saignant de son amour fidèle, je lui dirai, j'ai trop souffert, serai